Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Tout singe moli moyaka au tambusa. O konza église à nayo yesu. Moli mokita, moli moyaka. Moli mokita, moli moyaka. Lelo yo. Tondisa mote mananga. Namaloba e uti na yo. Moli mo sante. Nicolas Yaba. ne ayi mo le mo san tu e kitali olo ya banga na yo ayi mo le mo san me ni koloba ya mi yo so papa.